Alors, il est environ 18h, en fait, 18h et quelques électrons, et vous écoutez toujours le Futur Simple sur CKRL 89.1. Alors, nous allons maintenant retrouver Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Alors, les habitués de Futur Simple connaissent bien Mélanie. Elle est dans l'équipe depuis plus de 2 ans, et peut-être que certains d'entre vous connaissent aussi son blog, qui s'appelle Ma Planète Bleue, qu'elle alimente régulièrement avec des textes sur l'environnement. Alors, eh bien, un des textes de Mélanie se retrouve dans un livre qui vient de paraître aux éditions Multimondre. Alors, ce livre s'intitule « Les meilleurs blogs de science en français ». Alors, c'est donc une sélection des meilleurs billets de blogs parus en 2012, des blogs québécois, mais aussi français. Notre chroniqueuse se retrouve donc parmi les meilleurs. Alors, félicitations Mélanie. Merci beaucoup. Et maintenant, on va revenir à notre sujet du jour, les Wawarons. Alors, ils envahissent la Colombie-Britannique et ce n'est pas sans conséquences. Tout à fait. Comme tu l'as dit, énormément de conséquences. Vous allez voir, c'est ce que je vais vous présenter. On sait en général que les amphibiens sont majoritairement en déclin dans le monde entier. Pour vous donner une idée, il y a environ 40% des espèces qui sont en péril. Et le plus gros spécimen qui est présent au Canada, c'est le wawaron. Et lui, par contre, il se multiplie d'une manière, on pourrait dire, exponentielle et tout à fait hors de contrôle en Colombie-Britannique. Le wawaron, on l'appelle aussi la grenouille taureau. C'est la plus grosse grenouille d'Amérique du Nord et se retrouve dans les milieux aquatiques comme les ruisseaux, les rivières, les marais. Et pour vous donner une idée, c'est de l'Ontario jusqu'à la Floride. Donc, c'est principalement dans la côte est. C'est une espèce indigène des zones forestières de feuillus de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse. Mais ils ont été introduites en Colombie-Britannique et se sont répandues le long des basses terres du Fraser et de l'île de Vancouver. C'est en fait bien fait. Fait pourtant partie du paysage de l'Est de l'Amérique du Nord, mais comment est-il apparu dans l'Ouest du pays? Bien, pour les habitants de ces régions, nous inclus, le chant du wawaron est facile à reconnaître et c'est assez caractéristique, on pourrait dire, même des soirées d'été qu'on peut passer sur le bord d'un lac. Mm-hmm. Mais si vous vivez ailleurs au Canada, le wawaron représente une réalité qui est tout à fait différente. Il est largement reconnu d'ailleurs comme l'une des 100 espèces les plus envahissantes du monde. C'est devenu même un problème monstrueux dans certains pays comme en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, dans l'ouest des États-Unis et maintenant en Colombie-Britannique. À cet endroit-là en particulier, les wawarons qui ont été libérés par des agriculteurs ou qui se sont, souvent c'est ce cas-là, ils se sont échappés d'un jardin qu'ils agrémentaient dans les années 30-40 environ. Mais ils se sont mis rapidement à coloniser les milieux humides de l'île de Vancouver et de la vallée du Fraser. Et cette multiplication-là est devenue vraiment hors de contrôle, elle fait même des ravages sur les écosystèmes locaux. Le wawaron, c'est une espèce qui est vraiment très prolifique. Une seule femelle peut déposer 20 000 œufs à la fois et il y a une forte proportion de ce qu'elle va pondre qui va survivre parce qu'en majorité, les prédateurs, ils vont préférer de loin autre chose à leur menu que les œufs et les têtards du wawaron parce qu'il semblerait que ça aurait mauvais goût. OK. Alors, malgré le fait qu'il soit très envahissant, en fait, en quoi ce wawaron menace-t-il les écosystèmes? La plus grande menace que cette grenouille-là pose après son établissement dans les milieux humides qu'elle a nouvellement conquis, c'est l'élimination des espèces de grenouilles indigènes qui sont déjà présentes, à la fois par la prédation. La grenouille, est cannibale. OK, donc elle mange d'autres spécimens de grenouille. Oui, et même sa propre espèce, aussi la concurrence. Okay. Une fois que le wawaron est bien établi, l'espèce de grenouille indigène, dans le cas ici, c'est surtout la grenouille immaculée de l'Oregon, est condamnée à disparaître. On comprend pourquoi le gouvernement de la Colombie-Britannique se penche vraiment sur ce problème-là. C'est assez inquiétant. Donc, les populations de grenouilles maculées de l'Oregon, pour vous donner une idée, ont chuté de 90% au cours du dernier siècle. Il s'agit de l'amphibien le plus en voie de disparition au Canada. C'est considéré là, comme une espèce qui est sur le point de disparaître. Uh-huh. Et en plus de lutter contre les espèces invasives, la grenouille maculée doit faire face à la détérioration de son environnement par les activités humaines. Et les grenouilles, comme les autres amphibiens, sont des êtres vivants qui sont très sensibles aux polluants en raison de leur peau qui est perméable. En fait, leur peau absorbe facilement les contaminants atmosphériques et aquatiques, que ça expose en fait les spécimens, dont la grenouille immaculée de l'Oregon, à des maladies et à la mort, souvent par empoisonnement à cause de la pollution. Et aussi, c'est d'excellents bio-indicateurs de la condition des habitats marécageux d'un endroit. OK. Finalement, en fait, dans l'Ouest, le wawaron est une espèce invasive, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres espèces exotiques qui s'implantent au Canada et mettent en péril les espèces indigènes. Tout à fait, parce que là, le wawaron, en Colombie-Britannique, c'est vraiment juste un exemple parmi tant d'autres que j'ai trouvé. Puis c'est le syndrome aussi d'un problème qui est beaucoup plus grave. Parce que chaque année, il y a de nombreuses plantes et animaux exotiques qui envahissent des territoires au Canada et même en Amérique du Nord. Par exemple, la renouée du Japon, la moule zébrée, qu'on a dans le Saint-Laurent maintenant, la salicaire pourpre, qui est une autre plante, la grille du frêne, qui est un insecte, je crois, qui vient de et de la fameuse maladie hollandaise de l'orme. Mm-hmm. C'est quelques exemples, mais parmi ceux-ci, là, la renouée du Japon, c'en est tout un. C'est une plante qui est originaire d'Asie, qui a été introduite en Amérique du Nord environ au début du 20e siècle en tant que plante décorative. Elle est très jolie, là, mais elle va pas se contenter de rester sagement dans le jardin des personnes qui vont l'implanter, parce qu'elle a littéralement envahi le continent nord-américain, parce que, tout d'abord, ben, elle a aucun compétiteur local. Et malheureusement, partout où elle va s'installer, il n'y a absolument rien d'autre qui va pousser. Elle avait été introduite d'abord sur la côte ouest des États-Unis, et puis par la suite sur la côte est des États-Unis, et en 2005, les deux vagues de colonisation se sont rejointes à l'intérieur même du continent. Oh. Donc c'est assez impressionnant. Elle est détectée pour la première fois dans la vallée du Saint-Laurent en 1942. Ça fait pas mal longtemps qu'elle est ici. On l'observe aujourd'hui même jusqu'à l'orée de la forêt boréale. Et cette plante demeure là, vraiment un symbole par excellence d'une introduction non volontaire d'une espèce très invasive. C'est pas vraiment un exemple à suivre. Mm-hmm, tout à fait, oui. Donc, ces invasions-là sont non seulement nocives pour les écosystèmes, mais aussi pour l'économie canadienne. Parce que pour limiter les invasions, il faudrait d'abord commencer par conscientiser les populations au coût là, de ces introductions volontaires ou accidentelles d'espèces exotiques. Mais mis à part l'introduction accidentelle, est-ce qu'il y a des conditions ou des facteurs qui favorisent le développement d'espèces invasives? Bien, il y a surtout les changements climatiques qui vont apporter de nombreuses perturbations sur l'environnement, et notamment en favorisant l'introduction d'espèces invasives dans les milieux où ils étaient, que ces milieux-là étaient apparemment inaccessibles pour ces espèces-là. Donc, on a l'introduction accidentelle volontaire et les changements climatiques, c'est vraiment les trois pires choses qui favorisent ces espèces-là. Les espèces invasives et le réchauffement climatique, on pourrait dire qu'ils forment une alliance vraiment dangereuse pour la nature. Ça fait pas une équipe gagnante, mais malheureusement, ces espèces-là en profitent parce que ça crée des conditions. Le changement climatique crée des conditions difficiles pour les espèces locales qui s'adaptent mal. C'est ça. Mais la plupart des espèces invasives, elles, sont plus résistantes et plus opportunistes que les organismes indigènes. Par exemple, il y a plusieurs végétaux qui vont profiter de la hausse des températures pour étendre leur aire de distribution. Ces espèces-là réussissent à s'adapter rapidement. Par exemple, ils vont modifier la date de floraison ou la taille de leurs graines et ils vont être capables de conquérir plus d'espace à cause du changement climatique. Pour donner un autre exemple, au Massachusetts, en 150 ans, la température moyenne s'est élevée de 2,4 degrés Celsius. C'est assez important. Oui, c'est beaucoup. Et ça l'a fait avancer la saison de floraison de 3 semaines. Oh. C'est vraiment pas négligeable. Et toujours à ce même endroit-là, depuis 1850, c'est l'année où on a commencé à recenser les espèces végétales et animales, 27% des espèces indigènes ont disparu et 36% sont proches de l'extinction. Donc, c'est énorme. Les températures plus chaudes dans les zones de climat modéré, un peu comme ici, ben, peuvent aussi accroître la portée de certaines maladies tropicales dispersées par des insectes. Et ça met à risque des populations qui n'ont jamais été face à ces maladies-là. Exactement. La hausse du niveau des océans, ça c'est un autre exemple, va aussi avantager certaines espèces qui peuvent tolérer le changement de l'eau douce à l'eau salée. Uh-huh. Et d'autres, ça va favoriser aussi des plantes qui vont pousser plus vite dans un environnement riche en dioxyde de carbone. Parce que là, on dit qu'il y a plus de CO2 à cause du réchauffement. Mais il y a certaines plantes, certains arbres qui, pour eux, c'est bénéfique. Donc, l'impact du changement climatique sur la biodiversité, là, il est vraiment majeur. Et le wawaron en Colombie-Britannique, c'est pas en lien avec le changement climatique, mais c'est comme la pointe de l'iceberg sur un problème qu'on a sur notre continent puis sur le reste de la planète, sur la fragilité de la biodiversité, puis comment c'est facile de la perturber avec seulement une espèce. Oui, tout à fait. Et je sais que de manière individuelle, c'est vraiment difficile d'agir directement contre les changements climatiques. On est tous conscients de ça. C'est plus quelque chose qu'il faut modifier collectivement pour que ça change. Mais par contre, de façon individuelle, on peut rester vigilant à ne pas introduire dans nos jardins une espèce exotique qui risque fort de s'en échapper. Donc, de la contrôler, finalement. Oui. Ou de carrément pas l'introduire au départ, là, si on ne peut pas de la contrôler. Favoriser les espèces locales plutôt que de planter des choses comme la renouée japonaise. Exotique, mais envahissante. Exactement. Alors oui, et au jardin, ben, on a peut-être tendance à négliger les espèces indigènes, alors que certaines sont tout autant aussi jolies que par nature, ben, sont adaptées à notre climat. Oui, tout à fait. Alors merci beaucoup Mélanie Jean. C'est un plaisir. Et on fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Au retour, on visite les terrains contaminés du Québec.